François Morel, bonjour. Bonjour. Et si on parlait d'autre chose? Je feuillette les journaux, je regarde les infos, j'écoute la radio et je me dis, tiens, si on parlait d'autre chose. Oui, mais de quoi? De Depardieu, tiens, qui vient de sortir un livre, il dit dans une interview, c'est formidable d'être un con. Il a raison. Je suis un con, disait Volinsky, mais quand je vois ce que les gens intelligents ont fait du monde. Un anonyme a dit, il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps. Ce n'est pas forcément vrai pour Gérard Depardieu. Oui, Gérard, c'est formidable d'être un con, surtout que, comme le dit Brassens, quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas trop grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur, sur Terre, la plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. À propos de tocards, de crétins sectaires, le père Hervé Benoît, chapelain à la basilique de Fourvière, juge que les victimes du Bataclan étaient les frères siamois de leur bourreau. On peut penser que c'est très exagéré. On est plus dans la vérité, à mon avis, si l'on juge que le père Hervé Benoît et le frère siamois de Rachid Abou Deya, l'imam de Brest, qui soutient que ceux qui chantent seront engloutis sous la terre par Allah et transformés en porc ou en singe. Imam et curé, s'il vous plaît, partez en vacances ensemble, le plus loin possible de la terre, vers les paradis où vous imaginez trouver la félicité et surtout ne revenez jamais. Oui, je sais, je voulais parler d'autre chose, mais de quoi? Des cons, oui, ça c'est un bon sujet. En Belgique, une mère de famille a été jugée pour avoir fait copier 100 fois « Je suis un con » à son fils qui renaclait devant ses devoirs de vacances. Avant, elle l'avait frappé, lui avait administré une douche froide, avait jeté son baladeur MP3 dans l'aquarium, puis l'avait forcé à manger du papier. Après, on va reprocher aux mamans de ne pas être assez exigeantes vis-à-vis de leurs rejetons. Après, on va condamner une trop grande permissivité dans l'éducation des enfants. Abdelhamid Abaoud était un petit con, selon un ex-camarade de classe qui harcelait ses condisciples et ses professeurs. S'il avait écrit 100 fois « Je suis un petit con » et mâcher du papier, serait-il devenu moins con? Rien n'est moins sûr. Oui, je sais, je voulais parler d'autre chose. Des cons, surtout que les cons font l'actualité. Le public d'Hanouna est traité de con par Delon, lui-même traité de vieux con. Benzema dit « je suis con » en voyant tout ça quand il reconnaît en garde à vue avoir servi d'intermédiaire. Joestar et Bala se traitent de bâtards et de vieux cons. Unanimité de la connerie à laquelle on souscrit. Henri Miller a écrit un livre en français intitulé « Je suis pas plus con qu'un autre ». On trouve dedans cette phrase sûrement pas plus conne qu'une autre, n'essayez pas de changer le monde, changez le monde. Décidément, on ne peut pas parler d'autre chose. C'est difficile. Merci à vous, François Morel, et à vendredi prochain.